Zénith Radio, 106.8 FM, la radio des grands lacs. Salut à tous, c'est Popcast numéro 2. Je suis toujours Flathead, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez apprécié aussi la playlist de la semaine dernière. Quant à cette semaine, programme super chargé avec encore du rock dans tous ses états, de la folk, de l'électro, du reggae. Mais trêve de balivernes, on commence de suite avec un de mes coups de cœur, un groupe que j'ai découvert cette année. C'est un groupe qui nous vient de Tucson, dans l'Arizona. Ça s'appelle The Resonars, c'est en fait le nom de camouflage de Matt Randon, qui enregistre tout seul sur un petit 4 pistes à cassette dans sa Coma Cave. Et Burger Records, les excellents Burger Records, viennent de ressortir son album de 1999 en vinyle avec une super pochette colorée, psychédélique, réalisée par le graphiste Jason Willis. Extrait de Bright and Dark, pour vous, The Resonars, Carrie Don't Care. Ça, j'adore vraiment. Hein. Maintenant, on passe à Mordecai Smith. Alors, si j'ai peu d'infos sur cet artiste, qui est aussi un quartet, si ce n'est qu'il transpire la pop anglaise des 60s et que son dernier album Sticky, Tape and Rust, que vous pouvez commander en vinyle sur le site Megadodo, en Angleterre, est disponible. D'ailleurs, il y avait même une édition limitée collector avec le 45 tours inclus dedans, le téléchargement, enfin c'est un joli, joli petit coffret. Et le titre que nous allons écouter maintenant, c'est I've Been So Tired. Vibrofog is here to stay. I need to live my life another way. Cleaners from Venus. Alors, je suis passé complètement à côté de ce groupe des années 80. Pourtant, je suis assez familier du travail de leur leader Martin Newell et j'ai pu me mettre à jour grâce aux rééditions en cassette, encore grâce à Burger Records. Et donc, pour vous aujourd'hui, Julie Profumo. Stay. 'Cause this ain't the '60s. En 1988, Ultra Vivid Scene, nom de couverture de Kurt Ralski, sort sur 4AD, le label des Pixies entre autres. Cet album éponyme qu'il produit où il va jouer de tous les instruments, ça s'appelle She Screamed et c'était le premier single de l'album. Stealing Sheep est un trio de jeunes filles de Liverpool qui mènent un tas d'influences folk, médiévales et psychédéliques entre autres. Et elles ont fait cette année un début remarqué avec cet album Into the Diamond Sun sorti chez Heavenly Records et le titre suivant s'appelle Genevieve. Never mind. La seule radio des Grands Lacs, la radio des Grands Lacs. Zénith 106.8 FM. La liste est longue quand on pense à beaucoup d'artistes très influents qui n'ont jamais eu la reconnaissance du grand public. Et Davy Graham en fait malheureusement partie. Il est même à l'origine de l'accordage en open tuning DADGAD que l'on retrouve sur pas mal de morceaux folk, voire de blues, utilisé par un tas d'artistes à partir des années 60. Et malgré son importance, il va disparaître dans les années 70. Après une vie mouvementée, il va réémerger vers la fin de sa vie pour reprendre brièvement sa carrière. Il va mourir tout de même en 2008, mais en 1964, il sort Folk Blues and Beyond, un album séminal qui, comme son titre l'évoque, est une rencontre de divers styles. Album que je ne saurais vous recommander, et on va écouter de suite I Can't Keep From Crying Sometimes. I cannot keep from crying sometimes. No, I cannot keep from crying sometimes. Though my heart is full of sorrow and my eyes are full of tears, I just can't keep from crying sometimes. I thought when she first left me I'd get on a little while. Soon it'd be all over and I'd journey with a smile. But the thoughts as I get older, when I think of what I told her, I laugh to keep from crying sometimes. I'm on the King's Highway and I'm traveling night and day, but I just can't keep from crying sometimes. I cannot keep from crying sometimes. No, I cannot keep from crying sometimes. Oh, my heart is full of sorrow and my eyes are full of tears. Well, I just can't keep from crying sometimes. I thought when she first left me I'd get on a little while. Well, soon it'd be all over and I'd journey with a smile. But the thoughts as I get older, when I think of what I told her, I laugh to keep from crying sometimes. I cannot keep from crying sometimes. No, I cannot keep from crying sometimes. Oh, my heart is full of sorrow and my eyes are full of tears. I just can't keep from crying sometimes. On va rester dans l'ombre du succès pour parler d'un contemporain de Davy Graham. Il s'agit de Jackson C. Frank, né à Buffalo aux États-Unis, qui est lui le fruit d'une histoire tragique puisqu'il va réchapper d'un incendie qui va ravager son école et tuer de nombreux de ses camarades et le laisser à moitié brûlé. Tout un programme. Alors à l'hôpital, il va connaître sa première exposition à la musique et plus tard, touchant une jolie somme d'argent et en dédommagement de son accident, il va prendre un bateau pour l'Angleterre au début des années 60. Après avoir écumé les circuits folk de Londres, il va être remarqué par le jeune Paul Simon, qui, admiratif, va produire son premier album en 1965. Alors les choses auraient pu bien tourner pour Jackson, si ce n'est sa santé mentale qui commence à se dégrader et l'argent de l'assurance qui est épuisé. Alors il se voit contraint de rentrer en Amérique, mais après quelques tentatives de retour avortées, il va disparaître complètement jusqu'à littéralement se clochardiser. Et en 1990, un fan, Jim Abbott, va le retrouver. Et loin du jeune blondiné qu'il avait à l'esprit sur les pochettes de disques, il retrouvera un homme dans un triste état, qui a pris du poids, sans argent et qui peu après va se faire tirer dessus et blesser à l'œil. Bref, Abbott réussira quand même lui à lui faire enregistrer quelques nouveaux morceaux avant sa mort en 1999. Alors on l'écoute en 1965 avec son plus célèbre morceau Blues Run the Game. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Send out for whiskey, baby, send out for gin. Me and room service, honey. Me and room service, babe. Me and room service, well, we're living a life of sin. When I'm not drinking, baby, you are on my mind. When I'm not sleeping, honey. When I ain't sleeping, mama, when I'm not sleeping, you know you'll find me crying. Try another city, baby, another town, wherever I have gone. Wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues come following down. Living is a gamble, baby, loving's much the same. Wherever I have played, whenever I throw them dice, or wherever I have played, the blues have run the game. Maybe tomorrow, honey, someplace down the line, I'll wake up older, so much older, mama, I'll wake up older. And I'll just stop all my trying. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. On va rester dans la même famille, puisque maintenant on va parler de la petite amie de Jackson C. Frank qu'on vient d'écouter. Au milieu des années 60, il a une petite amie qui est une jeune infirmière qui s'appelle donc Sandy Denny et qui chante à ses heures perdues. Elle rejoindra en 1968 le célèbre groupe de folk rock londonien The Fairport Convention, qui est d'ailleurs toujours en activité. Et le titre qu'on va écouter maintenant est extrait de leur quatrième album, sorti en décembre 1969, Leech and Leaf. Et ça s'appelle Come All You. Yeah. Zénith Radio. Allez, on change radicalement d'ambiance maintenant. On va prendre un petit peu le soleil du côté de Kingston en Jamaïque. Et on retrouve Lee Scratch Perry. Si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, j'ai diffusé un de ses morceaux. Et en 1970, il est un des producteurs les plus en vue sur l'île et il va s'occuper d'enregistrer un jeune groupe qui, malgré quelques albums qui ont plus ou moins bien marché, se cherche encore. Ce groupe est composé de Peter Tosh, Bunny Wailer et Bob Marley. Il s'agit de The Wailers. Après le ska, le rock steady à la fin des années 60 et marqué par le mouvement religieux Rasta, le reggae est une révolution, enfin une évolution plus lente et plus lourde, bien sûr bien plus enfumée de ses musiques. Et ensemble, ils vont enregistrer deux albums en 1970, Soul Rebels et Soul Revolution. La réputation des Wailers ne s'étend pas plus loin que la Jamaïque encore, et ils sont à l'aube de la carrière internationale que l'on connaît. Et sur Soul Revolution, ils reprennent un titre de Curtis Mayfield, Keep On Moving. James Carr, c'est un chanteur de R&B américain, de rhythm and blues comme on disait à l'époque, né en 1942 dans le Mississippi. Alors peut-être pas un des plus connus, par exemple comme Otis Redding, mais il va apporter une contribution conséquente. En 1967, il enregistre l'album You Got My Mind Messed Up pour le label Gold Walks, et sur cet album se trouve ce qui reste sans doute un de ses morceaux les plus connus, The Dark End of the Street. At the dark end of the street, that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong. know time is gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh, but our love keeps coming on strong. Darkening of the street. They're gonna find us. They're gonna find us. They're gonna find us. Lord, someday you and me at the darkening. Meryl Garbus, c'est la tête pensante, voire le seul membre notable de TuneYard, le groupe américain. Ses prestations live sont assez étonnantes. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir trouver certaines performances sur des sites bien connus où on voit des vidéos, où elle enregistre des boucles d'elle-même à la volée, mêlant percussion et voix, et elle est accompagnée par une basse et un duo de saxophones. Alors après un premier album en 2009, Bird Brains, elle sort Who Kill en 2011 sur 4AD et 4ID, et j'ai choisi de vous passer un des morceaux les plus emblématiques de cet album, Gangsta. Life in the Alors, toujours plus proche de nous, en 2012, Animal Collective, le groupe américain à l'origine de Baltimore, maintenant un petit peu disséminé aux quatre coins des États-Unis, voire même au Portugal, vient de sortir son 10e album Centipede Hurts sur le label Domino, et voici Today's Supernatural. Come on, Zénith 106.8 FM. Alors, toujours pour rester dans la semi-actualité, maintenant The Something Rain, le 9e album des Anglais The Tindersticks, emmené par le chanteur Stuart Staples. Le premier single de l'album, c'est This Fire of Autumn. Leaves the Tom Jenkinson, plus connu sous le pseudo de Square Pusha, a sorti cette année un album électronique Euphabulum, uniquement élaboré à partir de programmation et sans instruments traditionnels. Mais on va pas en parler, on va remonter à son album précédent, Shobley the One Demonstrator. Aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Toujours sur Warp Records, et ça s'appelle Laser Rock. Yeah. Avant de vous laisser avec le dernier morceau, je vous rappelle que vous pouvez toujours me laisser un petit message sur flathead@radio-zenith.com. Et on va se quitter avec une de mes découvertes sur SoundCloud, un jeune groupe qui vient de Groningen aux Pays-Bas. Ils n'ont rien à vendre. Ça tombe bien, avec la crise, on n'a rien à acheter. Mais en tout cas, ils sont en train d'enregistrer leur première démo et puis ça se présente plutôt bien. Les influences 60s sont bien là, ce qui n'est pas pour me déplaire. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur Radio Zénith. En attendant, c'est The Stone Run-Throughs, Gifted People. Salut et restez curieux. Everything has always been easy. He does really good, it's cool. He isn't putting all of his time in. He's got better things to do. It's hard to be smarter than the rest. His homework isn't done at all, but he passes every test. He's got a lot of musical talent, and he's taught himself to play. He knows how to show his emotions, and a song's the only way. But it's hard, yes it's hard. He's an artist on a quest. He stops singing out his heart. He'd have a cardiac arrest. All the barons wanna know what you've done. Cause your daughter, she will be just as smart as your son. So please tell me a thing or two about how proud you. Look up to the gifted people. Look up to the gifted people. People used to call him a faggot, but he's confident today. He's cool enough to wear leather jackets, and his hair across his face. But it's hard, yes it's hard, to be smarter than. Without his broken heart, he would be utterly depressed. And his parents are upset and afraid. Cause his trousers, they might be even tighter today. So please tell me a thing or two about how good you are. Cause I look up to gifted people. Emotions, and a song's the only way. But it's hard, yes it's hard, to be smarter than the rest. To be loved without cause, and be better, better than the best. Zénith Radio, 106.8 FM, la radio des Grands Lacs.